Bonjour, vous écoutez Léviathan et nous remettons aujourd'hui en ligne une actualité de notre épisode du mois de mai qui est l'abdication de l'empereur du Japon. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bon, une fois de plus, un de nos sujets est un sujet qui a fait beaucoup de bruit dans les médias et que nous avons décidé d'analyser de plus près. En fin avril, tout le monde avait les yeux rivés sur le Japon, sur l'abdication de l'empereur Akihito en faveur de son fils, Naruhito. Oui, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler de ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a porté tant d'attention à l'abdication d'un empereur qui, soyons honnêtes, est plutôt passé inaperçu du côté occidental et dont beaucoup ne connaissaient ni le nom ni l'existence avant son abdication ? Probablement parce que le Japon est le dernier pays au monde à avoir un empereur, plus le fait que Naruhito devienne le 126e empereur du Japon, donc il y a forcément un côté historique qui est très imprégné. Et puis soyons honnêtes, c'est aussi une question qui fascine, raison pour laquelle c'est d'ailleurs une culture très représentée dans les films et séries, même en rapport avec les samouraïs, la puissance impériale japonaise, etc. Donc quelque part, ça peut sembler logique que cette nouvelle ait fait le tour du monde. Faisons un petit retour historique pour comprendre le symbolisme de l'empereur japonais. Selon la légende, le premier empereur japonais aurait régné à partir d'autour du 7e siècle avant Jésus-Christ, faisant de ce système la monarchie la plus ancienne du monde. Bon, ce que j'ai lu, il est difficile d'avoir des certitudes de ces dates-là, mais dans tous les cas, à partir de l'année 200 après Jésus-Christ, il est certain qu'il y a eu des empereurs. Donc c'est les 14 premiers dont on n'est pas sûr de l'existence. Donc, autant dire que ça date un peu. Puis, il faut tenir en compte un fait assez extraordinaire. Tous ces empereurs seraient de la même lignée. Faisons donc un grand saut jusqu'au XXe siècle, où, après la Seconde Guerre mondiale, et notamment due à l'occupation américaine du pays de 1944 à 1952, une nouvelle constitution a été rédigée et mise en place en 1947, dans laquelle le rôle de l'empereur a été redéfini. Depuis, l'empereur n'a plus de pouvoir politique en soi. Officiellement, il devient, et je cite, « le symbole de l'État et de l'unité du peuple ». Et tous ces choix doivent être approuvés par le Diet, qui est une forme de législature à deux chambres. Du coup, il n'a pas vraiment de pouvoir, c'est un peu plus un symbole, c'est ça ? Et, alors, c'est un peu bête de demander, mais est-ce que son rôle, il peut s'apparenter à celui de la reine Elisabeth II au Royaume-Uni ? Oui. Mais malgré ce manque de pouvoir concret, l'empereur a malgré tout un rôle diplomatique fort et donc un pouvoir non négligeable sur la question. Je m'y connais pas assez bien sur le sujet, mais j'ai l'idée que son rôle diplomatique est tout de même un petit peu plus fort que celui de la reine Elisabeth II, qui notamment quand elle voyage à l'étranger, c'est surtout dans les pays du Commonwealth. Donc j'ai l'impression que le rôle est un peu différent malgré tout. Le Council on Foreign Relations a un article par Lindsay Maisland, très intéressant sur la question et qui est en description de l'épisode. Et dans cet article, l'auteur explique notamment que le rôle de l'empereur, pour la plus grande partie de l'histoire du Japon, a été ce rôle symbolique, un peu comme nous le connaissons maintenant. Et que ceci n'a changé qu'en 1989, avant donc d'être changé en 1947. L'empereur est donc une sorte d'ambassadeur, non officiel, qui a des rencontres avec d'autres chefs de gouvernement et diplomates. Parmi les actions entreprises par l'empereur Akihito, nous pouvons notamment trouver celle des réparations des relations avec les États contre qui le Japon avait eu des batailles sanglantes. Et son rôle aurait été capital dans l'amélioration et surtout dans la réconciliation des relations avec les pays tels que la Corée du Sud, la Chine ou les Philippines. Ce rôle est intéressant à noter parce qu'il semblerait que le nouvel empereur, Naruhito, veut continuer dans ses pas, ayant déjà, d'ailleurs, avant d'accéder au trône, effectué des voyages en Malaisie, Thaïlande et en Vietnam. Il a aussi affirmé vouloir encourager la diversité, et donc les étrangers, qui est une question assez délicate au Japon, mais qui devient peut-être nécessaire aussi au vu du très bas taux de natalité dans le pays. Et une de ses grandes luttes, c'est aussi de permettre l'accès à l'eau potable. Alors, j'ai entendu parler d'un changement d'air, E accent grave, R-E, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre ce dont il s'agit. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît ? Exactement. Avec le nouvel empereur, le Japon est entré dans l'ère Reiwa, signifiant la belle harmonie, s'achevant donc l'ère Eisei, signifiant parachèvement de la paix. Évidemment, je ne sais pas parler japonais, c'est sûrement mal prononcé. Mais le changement d'air est suivi d'un congé exceptionnel de 10 jours. Autant dire que vu le rythme de vie des Japonais, c'est vraiment exceptionnel. Mais comme pour le reste, c'est surtout symbolique. Mais il n'y a pas eu que l'air qui a changé. Pour que l'empereur puisse abdiquer du trône, une loi a été passée. En fait, normalement, on est empereur à vie. Rien d'inhabituel pour les monarchies. Et cela permet notamment qu'il n'y ait pas de rivalité, de questions de force, d'influence, etc. Puis, il faut aussi se rappeler qu'avant, les personnes ne vivaient pas aussi longtemps. Petit shout-out à la reine Elisabeth, par exemple, qui est la reine avec le plus long règne du Royaume-Uni et probablement un des plus longs au monde. Sauf que, de la même façon, de nos jours, parfois, on se rend compte que, voilà, on est vieux, ça devient long, on est malade, on veut prendre sa retraite. Je pense que c'est un peu ce qui s'est dit l'empereur japonais, qui parle d'abdiquer le trône depuis 2016 et qui a déjà eu une opération au cœur et un traitement contre le cancer de la prostate. Donc pour toutes ces raisons, en 2017, le Parlement japonais a mis en place une nouvelle loi permettant à l'empereur d'abdiquer. Il aura été le premier empereur à le faire en 200 ans, et ce, à l'âge de 85 ans. Ben, y a une première fois au tout. Hein. D'ailleurs, c'est dans le même millénaire que la première retraite d'un pape. Comme quoi, on est à l'ère des retraites sur des métiers à vie. Et bah oui, c'est vrai que ça semblerait qu'il y a un changement sur ce genre de tradition. Mais sinon, je voudrais finir par une dernière question, en parlant de tradition justement, qui est la place de la femme. Alors, pour aborder la question, notons que l'empereur actuel, Naruhito, a une fille née en 2001. Son frère, le prince Fumihito, a deux filles nées en 1991 et 1994. Jusqu'en 2006, ce fut la panique, puisqu'il n'y avait pas d'héritier. Et actuellement, tout repose sur le prince Hisaito, né donc en 2006, pour la succession. Non seulement de sa place, mais aussi des futures générations, étant le seul homme pouvant donner une suite à la lignée. En effet, dans ce cadre noble, les femmes ont une place très délicate dans laquelle elles n'ont pas le droit de monter dans le trône et sont déchues de leur titre de noblesse et donc exclues de la famille impériale si elles épousent un roturier, ce qui s'est passé d'ailleurs avec la sœur de Akihito. À savoir qu'il y a une raison derrière cette question, qui est notamment celui du contrôle de la famille impériale. Selon un article très intéressant de Slate sur le sujet, empêcher les femmes de se marier en dehors de la noblesse permet qu'il n'y ait pas un fort retour de la famille impériale, puis ça coûte moins d'argent à l'État. À savoir que d'ailleurs, l'empereur Akihito avait cassé cette tradition en se mariant avec sa femme actuelle, ce qui a fait un scandale à l'époque. Bon, il est aussi important de noter que cela n'a pas toujours été le cas au Japon, qui a déjà eu des impératrices au trône, 8 d'ailleurs si je me souviens bien, et que cela a surtout été changé au 19e siècle, au même moment que les empereurs prenaient plus de pouvoir, comme j'en ai parlé un peu plus haut. Et c'est en 1947, donc avec la nouvelle constitution que j'ai également évoquée, que la question a été renforcée davantage pour justement la question que j'ai dit de pouvoir impérial et financier. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la place que la femme a eue dans la société japonaise et comment cela a changé, j'ai mis un lien intéressant dans la description sur le thème. Mais bon, revenons à notre sujet. Donc, dû à cette complication et au fait que globalement tout repose sur une seule personne de la nouvelle génération, oui, il y a notamment le frère de l'empereur actuel qui pourrait accéder au trône, mais je prends ici vraiment le point de vue des générations qui viennent après, quoi. Il y a un risque que la famille impériale disparaisse, selon comment cela se passe vis-à-vis du prince Hisaito. Et même si on veut être un peu dramatique, on pourrait dire qu'il sera peut-être le dernier empereur du Japon. Raison pour laquelle la question d'un changement dans la loi par rapport aux femmes revient souvent sur la table, et cette question était d'ailleurs sous-entendue dans la loi qui a été passée en 2017, qui permettait à l'empereur Akihito d'abdiquer. Donc ce serait un énorme changement pour lequel la population japonaise semble être prête, puisqu'ils ont une bonne image des plusieurs princesses dans la famille, et selon un sondage fait en décembre, 84% des personnes ont répondu soutenir le fait que des femmes deviennent impératrices. Alors on aura peut-être une Elisabeth à la japonaise dans quelques années, qui sait? Ça pourra donner à Netflix de nouvelles idées pour une série qui est finalement pas si mal faite. Et je serai la première à les regarder. Donc, pour conclure, ça a été un événement qui a surtout été très symbolique, un événement historique aussi, non seulement par son caractère de base, mais aussi par les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé et qui a attiré beaucoup de personnes. Il y aurait eu 50 000 personnes qui seraient rendues physiquement à l'endroit où le nouvel empereur a fait sa première apparition. Donc, d'un côté, il y a le côté historique qui explique pourquoi on en a entendu parler de partout. Mais il ne faut malgré tout pas oublier que l'empereur semble encore pouvoir avoir une certaine place dans la politique étrangère du pays, aussi faible qu'elle soit, et aussi contrôlée qu'elle le soit par le gouvernement. Merci beaucoup, Carolina. Alors, c'est toujours étrange pour des Français de parler d'empereur et de roi, parce que pour nous, ça sonne un peu anachronique. Mais en fait, il est bon de se rappeler que si la royauté fait partie de notre histoire, elle fait partie intégrante du présent de certains pays, de certaines nations. Et en fait, la royauté et l'empire, ben, c'est bien plus qu'anecdotique.